Yo, got some more. Yo, gaz la mélo, un bon télo, envoie l'open bar mon pélo, bang bang bang, drive by en vélo, yili, réactive l'entrée, yili, mets les plaques à talo, ils t'ont levé 14 000 panneaux, bavo, salo, pilon, galo, en double chaira narvalo, rappelle quand t'auras fini de là, compte tes salades de bigra, c'est pas si grave, viens pas si dra, tu continues, j'appelle Ibra, ah ouais, t'es vous, y'en mets des rocas, bouge un peu, tu fermes la vodka, et tu m'en salons pas, j'ai failli repêcher la vodka, meurtre au micro, c'est moi, c'est geek, gros que j'prenne le faire au pays. Demandant à qui bâtit.